Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est situé au 747 boulevard Vézina de Lboumistassini au 418-276-2108. C'est la revue de l'année de la NFL avec notre ami Tony Guzzo, c'est internet, le Bits NFL. Salut Tony. Salut Danny, excuse-moi. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes évidemment à tout le monde. Tony, évidemment, ce qu'il faut noter, c'est la saison que c'était la 119e saison, la 100e saison l'année passée. Et les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl. Oui, ben c'est la saison 2020 a commencé avec ça. Grosse victoire le 7 février. Excuse-moi, c'était-tu le 7? Ouais, c'était dans début février. Contre les 49ers. Premier championnat des Chiefs en 50 ans. Grosse saison, une belle saison avec Patrick Mahomes, avec Laurent Duvernay-Tardif. Ouais. Donc gros championnat, gros Super Bowl pour les Chiefs. C'est drôle parce que c'était un mois avant toute la fameuse pandémie qui a quand même tout changé le monde du sport par la suite. Ben, effectivement. Donc ça a été donc les Chiefs de Kansas City qui ont remporté une victoire pour finaliser la 100e saison de la NFL. Là maintenant, ce qu'on va faire, il y a eu une nouvelle entente de négociation de la convention collective qui a eu lieu cette année aussi. Oui, au mois de mars, c'est drôle parce que c'est d'habitude, il y a toujours des menaces de lockout ou de grève des joueurs. Puis cette convention-là a comme passé un peu, ça a bien été, c'est bon signe, c'est ça qu'ils se sont entendus au mois de mars. Et les grands sujets de cette convention collective-là, c'est que en 2020, donc la saison qu'on vit en ce moment, il passerait de 12 à 14 équipes en éliminatoire. Ça, c'est un des grands sujets. Ils ont parlé aussi qu'en 2021, ils parlent de rajouter un autre match en saison régulière, donc ça passe de 16 à 17. À cause de la COVID, et j'imagine un peu les revenus, je pense ils vont peut-être réviser ça si cette saison-là de 17 matchs va se faire en 2021. Mais ça, c'était un des points qui était discuté. L'autre point, c'est qu'avec l'ajout de la semaine supplémentaire, on réduit la pré-saison de 4 à 3 matchs. Et un autre gros point, c'est que l'alignement passe de 53 à 55 joueurs. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes de la nouvelle convention collective qui a passé, comme j'ai dit, a bien passé parce que normalement, il y avait des menaces. Mais je pense que grâce aux ententes télé et tout ça, autant les propriétaires que les joueurs sont privilégiés en termes d'argent. Là. OK. Arrive le marché des joueurs autonomes et une bombe se coupe. Moi, c'est ma nouvelle sport confondue cette année. Tom Brady, qui l'eût cru, quitte les Patriots de l'Angleterre pour aller aux Buccaneers de Tampa Bay. On l'avait vu venir un peu. Hein. Une semaine avant, il avait déclaré qu'il ne revenait pas. Mais on voyait qu'avec la fin de l'année qu'il y avait eu entre les relations entre Belichick et Brady semblaient vraiment ne plus être au beau fixe. Et l'histoire d'Antonio Brown, que Belichick avait décidé de libérer Tom Brady, Antonio Brown, avait certainement pas plu à Brady. Ça a peut-être été le fait qu'il avait décidé de quitter les passes pour les Buccaneers. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, peut-être. Ben exactement, c'est l'événement, comme tu dis, l'événement sportif. Sport confondu. Ah oui, oui, c'est l'événement sportif qui est arrivé pour Tom Brady. La surprise, c'est qu'il s'en allait à Tampa Bay. On entendait parler San Francisco ou sa ville natale, genre là. Il voulait retourner peut-être à San Francisco, peut-être quelque chose. Mais je pense que le fait que le coaching staff, Bruce Arians, j'imagine que le fait d'aller à Tampa Bay, là, je pense que dernièrement, j'ai vu une entrevue avec lui, il est très content de jouer pour une équipe qui est au soleil, au chaud, là, on dirait que ça prépare bien une pré-retraite, comme on dit, puis, et c'est là qu'on se demandait, est-ce que Bill Belichick a besoin de Tom Brady pour gagner, ou Tom Brady a besoin de Bill Belichick pour gagner? Je dirais que les deux équipes, ben, Tom Brady et les Patriots, ont vécu quand même une saison en dents de scie, mais Tom Brady quand même a l'avantage, mais il est bien entouré. Hein. Je pense que Tampa Bay, tu regardes les receveurs qu'il y a, ils sont allés chercher Antonio Brown à la fin, Gronkowski qui a été échangé, on voit que Tom Brady a vraiment un mot à dire. Il est bien entouré. On va voir un peu parce que le prochain Super Bowl est à Tampa Bay, donc ils ont mis toute l'énergie, l'argent, les joueurs pour essayer de gagner le Super Bowl chez eux, mais beaucoup de talents individuels, mais on voit que la COVID, la pandémie, ils n'ont pas eu la chance encore de, comment on dit ça, de blender, de cimenter. C'est la question que je pose, Pardon? Je suis pas sûr que le Jello est pris à temps. Non? Exactement, c'est ça, c'était le Jello, je cherchais. Comme disait Jean-Lapierre, comme disait Jean-Lapierre. Exact. C'est ça, on avait parlé dans le passé, on parlait du Jello qui n'est pas pris, mais c'est ça, là, on voit que c'est une équipe qui se cherche collectivement, mais peut-être c'est un bon momentum, mais je suis pas convaincu qu'ils vont aller loin, puis je me demande si jamais les Bucks ne gagnent pas le Super Bowl, je me demande s'il va y avoir un genre de ménage ou sont prêts d'aller une deuxième saison avec toute cette équipe-là. Ben, il y a beaucoup de vétérans, il y a beaucoup de... Exact. Tu sais, ça reste à déterminer. Arrive aussi le repêchage où Joe Burrow est sélectionné par les Bengals de Cincinnati. C'est pas vraiment une surprise. C'est pas une surprise, mais avant que la saison de la NCAA commence, Joe Burrow n'était pas classé. Fait qu'il a connu toute une saison exceptionnelle à LSU. Ils sont allés gagner le championnat national. Donc, il est devenu le joueur. Le corps arrière le plus en vue, le en demande, comparé à Tua Tagovailoa qui s'est blessé en cours de saison et qui a descendu dans les rangs. Donc, c'est les Bengals qui ont choisi Joe Burrow. C'est sûr qu'avec un nouvel entraîneur-chef, c'était tout un work in progress pour cette équipe-là, mais il a connu quand même un bon début de saison, mais il s'est blessé, une grosse blessure sérieuse qui fait qu'on le verra pas avant le début, même quelques semaines avant la saison prochaine. Mais excellent repêchage, ça a été virtuel à cause de la COVID. Et le deuxième choix, Chase Young de Washington, qui a été un excellent choix, qui est, selon plusieurs experts, était le joueur le meilleur joueur disponible en repêchage, mais on sait très bien que le corps arrière habituellement va être choisi. Mais Chase Young, deuxième à Washington et qui a été nommé au Pro Bowl pour cette année. Pour les partisans, le Pro Bowl n'aura pas lieu. Ça va être un format virtuel où ce que peut-être les joueurs choisis vont peut-être jouer au Madden là, sur le jeu vidéo. Là, mais c'est ça qu'ils disent. Là, mais il n'y aura pas de Pro Bowl. Il y a une sélection de Pro Bowl, mais le match n'aura pas lieu. Mais ils parlent de faire quelque chose de spécial là, au niveau virtuel. Mais ça, comme on dit, tu veux être sélectionné au Pro Bowl, mais tu ne veux pas le jouer. Fait que c'est la COVID, c'est une maudite belle défaite cette année pour pas... Oui, puis on le dit toujours, hein, on est tout excité. La NFL, c'est un sport extraordinaire, mais c'est le pire match des étoiles de tout sport confondu. Oui, la Ligue nationale de hockey ne donne pas sa place aussi. Là. Oui, mais il y a le concours d'habileté qui est quand même intéressant. Le football essaie de faire ça, mais c'est pas évident. Là. C'est vraiment le Pro Bowl, en réalité, c'est que tu as un billet pour aller à Hawaii ou quelque part chaud avec ta famille, puis ça finit là. C'est plus un cadeau, mais oui, tu as raison. Mais je trouve que c'est le football, le pire match des étoiles. Ah oui, OK. Moi, selon moi. Ensuite, il y a eu quand même plusieurs joueurs à retraite qui ont parti, dont Eli Manning. Oui. Antonio Gates également. Oui. Aussi, il y a un petit Darren Sproul qui était un bon receveur de port, un bon porteur de ballon, était très très bon pour les jeux spéciaux. Donc, trois grosses retraites quand même. Grosse retraite, puis ma plus grosse surprise, là, je sais que j'ai vu la liste vite rapidement dernièrement, c'est Luke Kuechly, le défenseur des Panthers, qui a seulement joué 8 saisons, qui a été 7 fois au Pro Bowl, puis a été le joueur défensif de l'année en 2013. Luke Kuechly, le secondaire, qui fait que je trouvais qu'il était très bon, mais malheureusement, je pense que les blessures, je pense que c'est les commotions qui ont fait vraiment, l'a pas aidé, mais Antonio Gates, un grand ailier reproché. Puis le grand nom qui a pris sa retraite, c'est Eli Manning, après 16 ans, qui a joué pour toutes ses 16 ans avec les Giants. Il a réussi à gagner 2 Super Bowls contre les Patriots. Ouais. Donc, les deux seules défaites des Patriots au Super Bowl. Fait que, oui, c'est des grands noms. On parle aussi de Aqib Talib, les Eric Weddle de ce monde. Mais ce sont les grands noms qui ont pris leur retraite cette année. OK. Ensuite de ça, tu as parlé des Pats. Cam Newton qui remplace Tom Brady. Ça n'a pas été une surprise, puisque Cam Newton n'avait pas l'équipe en juin quand c'est arrivé. Mais on ne peut pas dire que c'est concluant jusqu'à maintenant. Non, c'était pas concluant, puis ça répond un peu à qu'est-ce qui s'est passé, parce que Cam Newton, ça faisait longtemps qu'il était disponible, mais il y avait quand même un passé à la fin, là, il y avait des problèmes de jambes, des blessures, mais je te dirais que, connaissant Bill Belichick, ça a été quand même un bon pari risqué, parce que ça n'a pas coûté cher, un contrat d'un an, mais tu vois que c'est un... Il y a plus d'essence dans le réservoir, c'est pas compliqué, là. Ouais, puis c'est le genre de corps arrière qui fait que... Mais ça démontre aussi qu'il était aussi... Il n'y avait pas grand entourage, mais Cam Newton a fait qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais je m'attendais à mieux, par exemple. Je m'attendais à plus. Je pensais qu'il serait dans la course aux éliminatoires mieux que là. Il y a eu 8 joueurs aussi, il faut le dire, la COVID. Ouais. Il y a eu 8 joueurs. Mais c'est ça, c'est... C'est vraiment hypothéqué, là. Ben, c'est ça. Ça, c'est un fait saillant par rapport à la COVID, parce que les Patriots, c'est l'équipe avec le plus grand nombre qui se sont désistés là, par rapport à la COVID, 8 joueurs. Donc, tu sais, c'est un peu tout ça qui fait que je pense pas qu'on peut blâmer, on peut mettre le doigt sur quelque chose pour les Patriots. C'est un amalgame de tout ça là, qui fait que... est-ce qu'il va revenir l'année prochaine? Grosse question. On se demande, est-ce que Belichick va avec Stidham pour la fin de saison? Sur la cap salariale. Ça va les aider. Ouais. Je pense que quelque part, ils peuvent aller chercher soit un carrière. Bob Carson Wentz ne reviendra pas à Philadelphie. Ça pourrait être un gars de même. Ça pourrait être un Matthew Stafford également. Exact. Comme ça peut être aussi. Moi, j'espère qu'ils vont aller chercher un Zach Wilson. C'est là qu'on va voir. Je pense que Bill Belichick va comme attendre, dépendamment aussi de l'argent qu'ils veulent payer, là, mais est-ce qu'ils visent un corps arrière au repêchage ou mettre l'argent sur un joueur, un corps arrière vétéran? Il y a aussi des rumeurs, Jimmy Garoppolo aussi. On se demande s'il va toffer à San Francisco. Mais je pense que ça va être un mélange de tout ça. Je pense que Bill Belichick est rendu à repêcher un bon corps arrière de futur. Et peut-être avec un mélange d'un corps vétéran, ça va être intéressant. Moi aussi, je pense à Wentz, Stafford de ce monde-là. C'est à suivre. La COVID, tu as parlé de la COVID. Laurent Duvernay tardif, finalement, a décidé de prendre une pause aussi. Oui, ça a été comment que avec la convention collective. Oui, ça a été le premier à l'annoncer. Il y a eu 66 joueurs qui ont décidé de ne pas jouer en raison de la COVID. Il y en a qui, les joueurs qui ont décidé juste de ne pas jouer pour des raisons non motivées, comme on dit, là. Il y avait une avance de 150 000 $ par rapport au salaire de 2021. Okay. Donc, ils ont eu comme une avance. Puis les autres joueurs qui est vraiment en raison médicale, ils recevaient 350 000 $ mais Laurent Duvernay, ça a été le premier. On le sait très bien, notre Québécois préféré a décidé de donner un coup de main dans le réseau de la santé au Québec. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. D'abord, est-ce que l'année prochaine, Pat Mahomes a signé un contrat de 50 millions, ça, on n'en a pas encore parlé. Ouais. Donc, ça pourrait être intense, parce que je pense qu'il a déjà restructuré son salaire ou pour le cap salarial, ça pourrait être intense, ce qu'il pourrait quitter Kansas City. Oui, oui, ben il n'y a rien de garanti, puis c'est le risque. Oui, c'est ça. Puis Laurent, il sait très bien. Puis il ne faut pas s'en cacher. Je pense que Laurent Duvernay, le fait qu'il ait gagné un Super Bowl, on sait que le gars, il a étudié en médecine. Est-ce que il priorisait, il a toujours dit qu'il priorisait l'aspect médical, mais le fait d'avoir gagné un Super Bowl, ça l'aide énormément. Donc, on risque. Moi, je pense que Laurent n'aura pas une grande carrière au football suite à ça. Puis on va voir les Chiefs. Les Chiefs, l'organisation comme telle, puis Andy Reid a vraiment salué cette décision-là. Est-ce qu'ils vont y donner une autre chance? Moi, je pense que oui, mais comme tu dis, il y a des bonnes chances qu'ils vont peut-être restructurer son salaire à ce niveau-là. On voit les Chiefs que son absence a pas trop paru, mais je pense qu'il s'ennuie aussi de Paul. Il aimerait ça l'avoir aussi. Fait que c'est un 50-50. Donc, on verra l'année prochaine, mais au football, c'est tout un risque parce qu'aucun contrat est garanti. Non, effectivement. Dans les décès notables, écoute, j'en ai quatre. Don Shula, ton entraîneur, l'instructeur de ton équipe préférée. Lui, c'est le légendaire entraîneur. Il est décédé au mois d'avril. Ensuite, lui écoute, je pense qu'il a 89 ans quand il est décédé, donc toujours quelque chose de même. 90 ans. 90 ans, donc, c'est, lui, c'était, c'était toute une année, c'était également l'entraîneur de la saison parfaite des Dolphins. Exactement, à 90 ans, il est décédé cette année. L'entraîneur qui a le plus de victoires, incluant les séries éliminatoires, avec 347. Il a coaché pendant 33 ans. Il a commencé avec les Colts de Baltimore, puis il a fini avec les Dolphins. Il a le record aussi pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière avec 328. Je sais que Belichick... J'ai hâte de voir si Belichick va se rendre à ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je m'en allais dire. Ça va être la question. On va voir. Mais un grand nom s'est éteint cette année. Oui, il fait partie de la liste. La liste, j'imagine qu'on va parler de celui qui est décédé dernièrement Kevin aussi. Green. Kevin Green. Tout de suite avec Kevin Green. Écoute, c'était bizarre quand même. Hein. Il a fini troisième rang des sacs de l'histoire de la NFL. Pourtant, le gros joueur, c'était Greg Loy à l'époque des Steelers. Oui, ben c'est drôle parce que je t'écoutais aussi avec Hugues, puis vous parliez de Kevin Green. Ça venait juste de tomber la nouvelle. Puis c'est ça, puis c'est comme même un peu tout le monde qu'on entend, même les experts qu'on voit à télé, troisième de la NFL au niveau des sacs du corps avec 160 derrière Bruce Smith et Reggie White, c'est des grands noms. Bon, t'as eu Lawrence Taylor, t'as eu Derek Thomas, Junior Seau, il est bon aussi. Oui, puis mais aussi l'affaire qui m'a intéressé, qui m'a surpris, piqué la curiosité, c'est qu'à la fin, il était entraîneur des secondaires extérieurs, puis il a gagné un Super Bowl avec les Packers en tant que coach en 2010. Donc ça m'a surpris aussi, je savais pas qu'il faisait partie, mais Kevin Green, c'est comme tout le monde l'a dit, ça a été un excellent joueur, puis ça a été une excellente personne à l'extérieur du terrain. Il a même fait la lutte, je pense, la lutte professionnelle. Fait que ça aussi c'est un décès que malheureusement il est décédé, on sait pas c'est quoi ses raisons il est décédé à 58 ans, quand même jeune. L'ancien joueur Chris Dolman aussi des Vikings du Minnesota qui est décédé. Il a passé 15 ans dans la NFL plusieurs avec les Vikings. Oui, plusieurs Pro Bowls. Il a joué pour les Vikings, les Falcons, les 49ers, puis il a été intronisé au Temple de la Renommée en 2012. Puis lui aussi est décédé à 58 ans. Surprenant aussi. Là, c'est malheureux. Est-ce qu'il y a des liens? Comment se pose les questions si le passé du joueur de football a des liens avec ça? Là, Ben, tu sais, la NFL, hein, c'est un sujet qui est tabou, puis ils n'en parlent pas, puis c'est pour ça que malheureusement, je sais qu'il y a plusieurs des femmes de joueurs qui vont peut-être envoyer le cerveau en laboratoire, là. Ouais. Mais on ne saura jamais, malheureusement. Ce dossier-là, c'est très tabou à la NFL, malheureusement. Et le dernier gros nom que j'ai retenu, c'est Sam White, l'ancien entraîneur des Bengals Cincinnati, qui est lui qui est amené du temps de Boomer Esiason, est décédé également. Oui, ouais, un grand entraîneur qu'il était intéressant à voir, qui a coaché pour les Bengals. Il a été aussi... Ouais, le seul temps, je pense. Ouais, le seul temps qu'il avait. Ben, il y a eu Forrest Gregg, qui était l'entraîneur des Bengals de Cincinnati aussi, qui était au Super Bowl en tant que Ken Anderson, je sais pas si tu t'en rappelles, contre les 49ers. Il était bon aussi, lui. Mais un sacré bout de temps. Wash a connu un gros succès à Cincinnati, puis il a été surpassé par Marvin Lewis en termes de victoire, là, mais. Wesh, au moins, il s'était rendu un Super Bowl, ce que Marvin Lewis n'a pas pu faire. Effectivement. Donc, on revient dans quelques instants, on va parler de ce qui s'en vient. Vous allez écouter une rétrospective de la NFL sur les ondes de danadosport.com. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On est de retour à danadosport.com, c'est la rétrospective de la NFL. Tony, comment tu vois la fin de la saison du côté de la NFL? Écoute, les Chiefs de Kansas City sont vraiment menaçants. Et de l'autre côté, tu as les Saints de Nouvelle-Orléans qui jouent mieux. Au moment où on commence le podcast, on est au lendemain de Noël. Alvin Kamara a réussi 6 touchés. Mais les Saints, c'est plus ou moins, c'est pas nécessairement convaincant tant que ça. Ben moi, ma question, Danny, à part des Chiefs, puis même là, il n'y a vraiment pas d'équipe en ce moment qui est très convaincante. Puis au moment qu'on se parle, les deux premières équipes, il y a les Chiefs dans l'Américaine puis les Packers. Il y a bien du monde qui disent que même ces deux équipes-là ne seront pas au Super Bowl. Donc, ça va être une fin de saison intéressante parce que c'est sûr que les Chiefs sont bien partis pour finir premier, donc avec le nouveau format des éliminatoires, les premières équipes de chaque conférence vont avoir une semaine de congé. Donc, les équipes veulent avoir cette semaine-là parce que, à cause de la COVID, les équipes sont de plus en plus fatiguées. Il y a des bobos, des blessures. Les Packers, pour moi, c'est une équipe surprenante cette année. Ils ont connu quand même un bon calendrier jusqu'à maintenant, puis au moment qu'on se parle, ils vont affronter les Titans, puis c'est là qu'on va voir comment que les Packers sont vraiment... Même chose pour les Titans aussi, là. Exactement. Donc, c'est quand même intéressant. On aime, je te dirais en ce moment, les Bills, c'est peut-être la meilleure équipe. Mais encore là, est-ce que c'est une équipe qui est bien coachée défensivement, mais à chaque équipe qu'on parle, le point d'interrogation est soit le quart arrière ou la défensive ou un mélange de tout ça. Donc les Saints, les Saints, Breeze il revient d'une blessure aux côtes puis aux poumons. Mais comme tu dis, il y a besoin d'un Alvin Kamara. T'as besoin... Tu sais, le succès, c'est les trois niveaux de jeu. L'attaque, la défensive, puis les unités spéciales. Donc, si tu as deux des trois aspects qui performent très bien, ben l'équipe peut aller loin. Mais écoute, moi, j'ai dit Chiefs Saints au Super Bowl, c'est quand même ça intéressant. Bien, mais ça mieux que moi, c'est vraiment vois. Un pile... Moi, c'est une catastrophe. Oui. Puis c'est ça, on va parler sûrement de peut-être quelques équipes décevantes, là, mais dans l'américaine, je vois vraiment les Chiefs, peut-être les Chiefs, les Bills, on va dire le dernier 4, là, Chiefs, Bills dans l'américaine, puis dans la nationale, je vois les Saints, Packers. Les Rams sont intéressants, mais Jared Goff n'est pas constant. Tom Brady, les Bucks, encore une là, le Jello, il n'est pas pogné. Les Seahawks, la défensive est plus ou moins bonne. Les Cardinals sont jeunes, mais ils n'ont pas l'expérience, la maturité. Donc, c'est de là que je vois. Puis de l'autre côté, les Steelers, trois défaites. Big Ben n'a plus de bras. C'est ça. Donc, il est fatigué. C'est peut-être sa dernière année. J'ai l'impression que c'est sa dernière année, Big Ben, hein? Oui. Ben, moi, je pense que oui. Pas mal à ça, hein? Et les Steelers, c'est vraiment l'image d'une batterie, là. C'est comme la batterie est en train de se finir, puis j'ai oublié d'en acheter d'autres. Fait que. Ouais. Fait que puis c'est pas une batterie rechargeable. J'ai hâte de voir demain le match contre Indianapolis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est sûr qu'on met en ligne l'entrevue lundi. Donc, le match va avoir lieu au moment où ça va être fait. J'ai hâte de voir si c'est bon test pour voir les Steelers. Le match est à Pittsburgh. C'est sûr qu'il n'y a pas de foule cette année. En parenthèse, comment tu trouves ça pas de foule cette année? Ben, ça a été difficile, j'imagine, parce que tout ce qui est au football, l'avantage du terrain est important. Donc, le tiers des équipes, on voit de plus en plus d'équipes qui ont le droit d'avoir du monde, mais le tiers encore. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'il y avait. Moi, je suis sûr que ça a été difficile sur le terrain. Je sais que c'était fatigant un peu pour. On était habitué là, au niveau de la télé. Là, il y avait un bruit de fond. Là. Mais on voit que c'est un point important là, pour les équipes de football et ça nuit à certaines équipes, là, surtout pour des équipes qui sont fortes en défensive. Ben regarde, Seattle, Nouvelle-Orléans, Kansas City, c'est des villes qu'on remet toujours, tu sais, quand on analyse un match normalement, quand le match est à Seattle ou à Kansas City ou à Nouvelle-Orléans, on rentre dans l'équation, le facteur foule, parce que c'est des foules les plus bruyantes. Et ça, cette année, on ne peut pas le rentrer. C'est ça. Puis après donc, ça, c'est la température. Donc, on y va maintenant avec du côté des déceptions. Moi, j'en ai... Écoute, les Cowboys de Dallas, c'est une grosse. C'est incroyable. Je suis vraiment là... Mike McCarthy, j'étais sûr que cette équipe-là, on dit tout le temps que Mike McCarthy avec les Cowboys de Dallas allait aller loin parce qu'on dit tout le temps que Jason Garrett était le problème. Cette année, on va chercher un des entraîneurs qui avait une bonne réputation avant de passer à Dallas. Mais là, il est en train de tout perdre sa réputation. On joue un peu mieux, soit dit en passant, sauf que ça reste une catastrophe. J'ai jamais vu une division aussi faible. Oui, ben ça c'est j'en ai même pas parlé pour le futur. Oui, c'est la division la plus faible. Puis je dirais la plus faible de l'histoire, puis je dirais la seule équipe qui est encourageante, c'est Washington avec Ron Rivera. On sent qu'il y a quelque chose, mais il manque des éléments. Mais les Eagles, ça a été une déception avec Carson Wentz. Les Giants, je m'attendais un peu plus, malgré qu'il y a un nouveau coach, Joe Judge. Daniel Jones, haut et débat, blessé, tout ça, mais les Cowboys, le pire, c'est que, c'est ça, comme tu dis, tout le monde l'attendait avec impatience parce qu'il s'est dit, je me suis préparé. Mais je pense que le côté qui manque aujourd'hui dans le coaching en 2020, il faut que tu aies un bon mélange des X et des O, il faut que tu connaisses ça. Puis aussi un genre de relation humaine avec tes joueurs. Puis je pense que c'est ça qui a fait mal à McCarthy parce que Jason Garrett, c'était le contraire. Là. Il était aimé par ses joueurs, mais il manquait en termes de planification, préparation ou tactique collective, comme on peut dire en termes, là. Mais McCarthy, là, je pense que les Cowboys vont lui donner une deuxième chance, les dernières chances, mais je suis pas sûr qu'ils vont être patients pendant toute la saison prochaine si ça se dé... Puis le fait d'avoir perdu Dak Prescott, grosse blessure, ça a pas aidé. Et Andy Dalton, on l'a perdu pendant plusieurs matchs. Là. Exact. On l'a perdu, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Ezekiel Elliott. Alvin Kamara a eu 6 touchés dans un match, puis il y en a plus que 5 au total de la saison pour Elliott. Donc, est-ce que c'est un mauvais plan de match? La ligne offensive était forte dans le temps, mais la défensive a été catastrophique. Puis c'est là aussi qu'on a questionné le fait d'avoir, comment il s'appelait, Nolan, là, le défenseur, qui a été Mike Nolan, le coach défenseur. C'était le choix de Jerry Jones. Exact. Fait que là, on questionne beaucoup. C'est-tu McCarthy le problème? Ben, on a toujours dit que Jerry Jones aussi il est trop dans les pattes. Je pense que Jerry Jones, il est dû là, pour se tasser, mettre l'argent, puis laisser les décisions opération football à son gars puis à son staff. Là, tu sais. Mais c'est la déception de l'année, c'est les Cowboys. Là, puis, regarde, ils avaient mis au Super Bowl, puis c'était le pire, c'est que c'était pas vraiment. C'était logique comme prédiction. Oui, ben oui. C'était très, très, très, très, très logique. Ça fait pas mal le tour de ce qui s'est passé, Tony. Un gros merci. On continue notre collaboration en 2021. On fait-tu rendu aujourd'hui, ça serait qui tes finalistes? Ben, rapidement de même. Écoute, les Chiefs de Kansas City, t'as pas le choix. Puis ouais. Les Saints, je sais pas. Les Packers, je le sais pas. tu sais, il n'y a pas d'équipe qui. Dans la nationale, il n'y a pas d'équipe qui peut. Il n'y a pas d'équipe qui peut sortir. Les Saints, normalement, c'est pour être les Saints, mais les Saints ne jouent pas bien. Les Packers, je peux pas dire, je ne les ai pas assez vus, les Packers de Green Bay cette année. C'est ça. Donc, Kansas City, mais encore là, Kansas City, je ne sais pas ce qui. Je pense que ça se peut-tu qu'il arrive de quoi? Il arrive un mauvais match de Mahomes. C'est difficile de répéter 2 ans consécutifs. Très difficile. C'est très difficile, puis c'est une question de. C'est vraiment tactique, là, les Chiefs. Là, c'est rendu qu'ils capitalisent plus quand ils sont dans la red zone. Puis leur défensive aussi était forte aussi quand ils étaient. C'était une défensive dans la zone payante, dans la zone rouge, qui était forte aussi. Puis là, ces deux aspects-là, c'est vraiment compliqué. Donc, mais tu as raison. À part des Chiefs, puis encore là, ça serait. Tous les choix sont possibles. Oui, effectivement. Tony, on se reparle vendredi prochain pour la chronique régulière de la NFL. Bonne année tout le monde. Notre ami Tony Guzzo du site internet, le Bits NFL.